certains cas des entreprises publiques et privées. Pour vous, chefs d'entreprise et entrepreneurs indépendants. Pour vous, étudiantes et étudiants. Voici un grand zoom intellectuel que Coca-Cola, avec Braliman CIB Kananga, vous offre. Une conférence débat organisée par la Faculté des sciences de gestion et de la communication de l'Université francophone internationale campus de Kananga à l'occasion de festivités marquant la fin de l'année académique 1994-1995. Cette conférence aura pour thème les management moral, quelles applications pour la société zaïroise de demain. Orateur, Patrick Bakeshamba, Faculté d'administration et sciences économiques, Université protestante Zaïre Kinshasa. Modérateur, assistant prospère José Mouboyeri, Faculté de gestion et sciences de la communication, UFU Kananga. Une occasion à ne pas manquer. C'est vendredi 13 octobre 1995 à 16h30 à la paroisse universitaire catholique en face de l'Improca. Venez y nombreux, car Coca-Cola, avec toute sa spécialité, sera du boom et du Tao Tao. Voici un meilleur moment de goûter à la saveur intellectuelle de Coca-Cola. Bienvenue à tous.